assis sur le bord d'un trottoir. Il est 5 heures, l'école est finie. Elle se raconte des histoires. Pour toi la vie, dis-moi c'est quoi, dit le petit. Manger des glaces, etc., répond le grand. Moi j'aime les glaces, mais j'aime pas trop, etc. Adieu petit mec, à demain.